d'accueillir le voisin et dites-lui que nous sommes venus dans l'atelier de transformation. Comme l'argile sur la table du potier, nous voulons permettre à l'Éternel de nous aider à pouvoir devenir les personnes qu'il désire avoir. Il est bon que lorsque tu réalises une œuvre, tu puisses en jouir. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, il est bon que Dieu jouisse de son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été façonnés, fabriqués par le Seigneur. Il est bon que le Seigneur jouisse de ce que nous sommes. Il est bon que Dieu soit content de nous. Mais cela ne viendra pas aussi longtemps que nous ne sommes pas transformés. Et la vie des victoires et d'épanouissement passe par une véritable et profonde transformation. Donc notre thème, c'est « Vie transformée, base de victoire et d'épanouissement en tous égards ». Une vie transformée, c'est la base d'une vie de victoire et d'épanouissement. Qui ne voudrait-il pas être épanoui sur cette terre? Qui voudrait passer son séjour sur la terre inaperçu, comme un vent, comme un nuage? Qui voudrait que sa vie passe inaperçue? Ne voudrais-tu pas, mon frère, ma sœur, que ta vie ait un sens, que ta vie soit consistante, que ta vie soit un sujet de joie, que ta vie soit une bénédiction? Qui ne voudrait pas? Mais le chemin s'appelle la transformation. Alléluia. Alors, prenez ce texte auquel nous allons partager ce matin. 2 Samuel chapitre 11, verset 11, verset 4 à 13. 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel chapitre 13, verset 12. Et puis Genèse 39, verset 10 à 12. Et Philippiens chapitre 2, verset 12 à 16. Et notre texte de base, Romains 7, 21 à 25. Romains 7, 21 à 25. Nous l'avons lu et nous voulons le relire encore ce matin. Si vous êtes là, vous prenez votre Bible dans Romains chapitre 7 et le verset 21 à 25. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Je trouve donc en moi, Romains chapitre 7, verset 21. On peut y aller? Allons-y, 1, 2, 3. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et Philippiens chapitre 2, verset 12 à 16. Philippiens. Vous avancez un peu plus après Éphésiens. Entre Éphésiens et Colossiens, chapitre 2, verset 12, nous lisons. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et pas pourrait me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Alléluia. Alors le dimanche passé, nous étions en train de partager sur deux réalités fondamentales. C'est que Paul nous présente sa vie après la conversion et nous dit qu'il y a une lutte dans son cœur, une loi qui le retient. Il sent en lui qu'il veut faire le bien, mais c'est le mal qui triomphe. Il dit, je sens en moi une double loi, la loi du péché et la loi de la justice. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Et nous avons dit qu'il est possible qu'après avoir donné notre vie au Seigneur, nous puissions continuer à expérimenter cette crise. Mais cette crise n'est qu'une manifestation du besoin que nous avons d'être transformés. Si ce matin tu sens cela dans ton entendement, dans ton cœur, alors dis-toi, j'ai besoin de transformation. Et dans Romains 12, le verset 1 et 2, il est écrit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je voudrais dire ce matin, nous ne pourrons vivre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait qu'à la mesure où nous avons été transformés. Un cœur non transformé ne fera point ce qui est bon. Un cœur non transformé ne fera point ce qui est agréable. Un cœur non transformé ne verra point ce qui est parfait. Vous pouvez faire des efforts. Vous allez être trahi par votre propre cœur. Que de fois, nous avons fait des efforts pour essayer de vivre une certaine vie, mais que nous avons toujours été trahis par nous-mêmes. Trahis par nous-mêmes. Bwana sifiwe. Trahis par nous-mêmes. Cela sera bon, agréable et parfait. Alors, ce matin, j'aimerais partager sur quelques domaines principaux dans lesquels nous avons besoin de transformation. Ou les domaines qui requièrent la transformation dans notre vie. Je vais partager sur trois domaines. Le premier, c'est le domaine de l'intelligence. Le second, c'est le domaine du caractère. Et le troisième, c'est le domaine des perspectives de gloire. Le domaine de l'intelligence, le domaine du caractère et le domaine des perspectives de gloire. Alléluia. Alléluia. Chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, nous devons être transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes capables de vivre le bien, de faire le bien. Nous sommes capables de poser des actes qui produisent l'agréable, qui engendrent l'agréable. Nous sommes capables de faire ce qui est parfait. Même lorsque nous chantons tout le temps, Sur la terre, personne n'est parfait. Rien n'est parfait, c'est vrai. Mais en réalité, lorsque nous sommes transformés, nous pouvons vivre le parfait. On peut y arriver. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, versets 25 et 26. Il dit, vous pouvez briller comme les flambeaux dans le monde. Briller comme un flambeau. Buona si fiwe. Buona si fiwe. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est le verset 15 et 16 et non pas 25. Alléluia. Alléluia. Tu vas m'aider à dire à ton voisin, tu dois être transformé. Dis-le-lui, s'il te plaît. Dis-lui que ce n'est pas toi, c'est le pasteur qui le dit. Il peut penser que tu le provoques. Dis-lui, le pasteur dit que tu dois être transformé. Alléluia. Alléluia. Alors la transformation est donc indispensable pour quiconque veut vivre le bon, vivre le parfait, vivre l'agréable. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut être transformé. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 et suivant, Paul dit aux Éphésiens, « Voici ce que je dis, ce que je déclare. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » La vanité de l'intelligence, finalement, frères et sœurs, l'intelligence transformée est quelque chose de très indispensable. Et puis tout le monde a une intelligence, en fait. Tu as une intelligence, mais non transformée, ou une intelligence malsaine. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la faculté de réflexion, c'est la faculté de comprendre, c'est la faculté de discerner. L'intelligence, c'est une faculté en nous qui nous permet d'appréhender les vérités, d'appréhender ce qui est bien, de pouvoir vivre ce qui est bien de la part de Dieu, de la part de la société. L'intelligence, c'est ce facteur en nous qui nous permet de fonctionner. On pourrait dire que c'est l'intelligence dans laquelle nous retrouvons le moyen par lequel vaincre ou échouer. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 16, et Hébreux 8, 10, vous trouvez le concept intelligence utilisé aussi comme cœur ou esprit. La transformation de votre intelligence peut se comprendre comme la transformation de votre cœur, la transformation de votre esprit. Le cœur, l'esprit, l'intelligence, faculté de réfléchir et de comprendre. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, il est écrit, la femme vit que l'arbre était beau à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le fruit de la connaissance du bien et du mal était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna à son mari. Propre pour ouvrir l'intelligence. Les personnes qui font montre d'intelligence malsaine, habituellement nous disons, tu n'as pas d'intelligence, hauna akili. En réalité, ikona akili, il a l'intelligence, mais l'intelligence malsaine. Intelligence malsaine, ou intelligence déformée, ou intelligence malade. Nous avons tous l'intelligence, mais c'est la qualité de ton intelligence qui compte. C'est la manière dont ton intelligence fonctionne qui compte. Les uns fonctionnent pour leur malheur, les autres fonctionnent pour leur bonheur. Alléluia. Ton intelligence est ce qui va t'amener dans le plein épanouissement. C'est ton intelligence qui va t'amener dans la richesse, dans l'abondance. C'est ton intelligence qui va te conduire dans la réussite dans la vie. C'est pourquoi nous devons nous rassurer quelle forme d'intelligence nous avons, quel genre d'intelligence nous avons, avec quoi nous fonctionnons, quelle est la qualité de notre intelligence. Et c'est à ce niveau que nous avons besoin des transformations, d'intelligence. Vous savez, lorsque nous parlons d'intelligence, c'est un concept dans le Nouveau Testament qui peut être compris comme la pensée, qui peut être compris comme mentalité, intelligence. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu veut que le bon, l'agréable et le parfait soient ta portion aussi. Mais tu as une chose à faire. Accepte que ton intelligence soit transformée. Une intelligence malsaine, une intelligence corrompue, c'est ce qui te fait produire les choses dont tu regrettes. C'est ce qui te conduit dans des pratiques impures, dans des pratiques indignes, dans des pratiques insupportables quelquefois par toi-même. C'est insupportable par toi-même. Et ce matin, Dieu veut te délivrer de cela. Notre intelligence, lorsqu'elle est transformée, elle fait de nous des bonnes personnes. Elle fait de nous des agréables personnes. Elle fait de nous des parfaits hommes. L'intelligence transformée va permettre que te dise tu es un bon monsieur, tu es une bonne femme. Va permettre que les gens vivent avec toi si facilement, tu es agréable à vivre. Il y a des gens, quand ils le fréquentent, quand ils approchent, tu sens qu'il est désagréable à vivre. Il est désagréable. Ce système de fonctionnement est comme des épines, c'est comme un porc qui pique. Quand il approche, il y a des épines qui vont te piquer. Il est désagréable. Mais lorsque notre intelligence est renouvelée, transformée, nous devenons agréables. Les gens peuvent venir nous visiter et avoir envie de rester. Ils n'ont pas hâte à repartir. Ils ne sont pas pressés à repartir. Tellement nous sommes devenus agréables parce que nous avons ou nous vivons avec une intelligence qui produit l'agréable. L'agréable. Et si tu as au bureau un chef qui n'est pas transformé, que c'est désagréable, les 8 heures de travail. Il tourne sur toi à longueur de journée. Il marche sur toi. Il prend tes droits. Il te malmène en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il a une intelligence tronquée. Il a une mentalité malsaine. Son esprit, son cœur ont besoin d'être transformés. Alléluia. Il y a plusieurs formes de mentalité ou d'intelligence. On peut citer plusieurs. Une intelligence de l'inachevé, intelligence d'esclave, d'apogée, intelligence des survies, des limitations. Et que dire encore? Voyez par exemple, lorsque vous vivez de la mentalité d'esclave ou de l'intelligence d'esclave, vous êtes malheureux et vous ne pouvez pas vous épanouir. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a droit à rien. L'esclave n'a droit à rien. Tous ses droits ont été achetés par son maître. Ses droits ont été achetés. Il n'a même pas droit à la perspective, parce que toute sa vie, tout ce qu'il est, son énergie, son potentiel, sont des propriétés de son maître. Ses capacités, même intellectuelles, sont des propriétés de son maître. Le maître peut se réveiller le matin et lui dire « Danse pour moi ». Et il danse mécaniquement et le propriétaire lui dit « Danse avec joie ». Et il doit s'obliger à danser avec joie. Et puis il danse comme un chien, et puis il peut danser comme un chien. C'est un esclave. Il n'a droit à rien. Il n'a droit à rien. Tous ses droits appartiennent à quelqu'un d'autre. Et comment vit cet esclave? Cet esclave, il se contente de ce que le maître peut lui donner. Dans son entendement, dans son intelligence, il ne peut rien réclamer. Il n'a pas le droit de réclamer quelque chose. Et dans sa perspective, il attend un miracle. Il attend un secours. Soit le boss meurt, ou toute la famille du boss est morte, et puis lui s'échappera. Ou alors il attend et tout à coup, il faut qu'un événement mystérieux se produise. Et dans la vie chrétienne, les chrétiens esclaves ne vivent pas avec perspective. Ils vivent comme si rien ne leur appartient. Même dans leurs prières, ils prient comme des esclaves. Oh Seigneur, comme on a peine, ou qui ne s'y qu'il y a ou rouma, et qui ou on a mouzouri. Nous vivons en tant qu'esclaves, même dans la vie chrétienne. Et même dans la société, quand vous regardez des hommes qui prennent et occupent des postes importants, mais avec la pensée, l'intelligence d'esclaves, ils ont le sentiment que rien ne leur appartient. Ils sont esclaves dans des positions de responsabilité. Et ils vivent comme si tout va s'arrêter tout à coup. Ils vivent le présent. Ils vivent le taux du jour, comme on dit. Dans notre société, on s'est habitué à ce concept. Nous vivons le présent, c'est le taux du jour. L'esclave vit au taux du jour. Il n'a pas de perspective. Il ne voit pas qu'il peut s'épanouir. Il ne voit pas qu'il peut aller loin. Il n'a pas de regard de gloire. Il n'y a pas de gloire prévue pour l'esclave. C'est ainsi que même quand nous prions et nous demandons une guérison, nous la demandons comme esclave. Nous prions, mais nous avons la foi que le maître, Dieu, nous regardons Dieu comme un maître, le maître des esclaves. Il peut ou ne pas nous donner, du reste ça dépend de lui. Malheureusement, beaucoup sont esclaves du diable. Et le diable, c'est un mauvais maître. Le diable, c'est un mauvais chef. Le diable, c'est un malfaiteur qui ne veut rien pour nous. Rien de bon, rien d'agréable, rien de parfait pour nous, le diable. Mais la mentalité d'esclave, frères et sœurs, est très néfaste. Parce que un esclave attend qu'un jour, l'année du jubilé arrive. Voyez, dans notre société, nous attendons qu'un jour, un ongle passe ministre. Et si un ongle passe ministre, c'est fini. Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez regardé ce film des Anambois. Tout le monde apporte son dossier. Et nous disons à notre ongle, c'est notre tour. C'est-à-dire, c'est le tour des esclaves. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à l'indépendance du Congo? Il semble que les gens toussaient. Un peu comme pour dire, hier, nous ne pouvions pas respirer, maintenant on peut respirer. Et la compréhension malsaine même de l'indépendance a produit ce que le pays est devenu. On est resté indépendant, esclave, dans notre mentalité. Les gens se sont rués sur les choses des blancs quand vint la zaïrianisation. Vous vous rappelez de l'événement? Montrez-moi les entreprises que les blancs ont laissées à la zaïrianisation. Montrez-moi ces entreprises qui existent encore. Montrez-moi cette ferme qui subsiste lorsque un esclave devenu indépendant l'a occupé, on lui a cédé l'entreprise, on lui a cédé le poste. Et que l'esclave a pris, il a pris comme esclave et il a continué à gérer cela comme un esclave. L'esclave n'a pas de perspective. L'esclave ne conçoit pas l'avenir comme un responsable. L'esclave subit, il est habitué à subir et il vit comme quelqu'un qui vit en attendant. En attendant. Certains chrétiens vivent aujourd'hui en attendant. Merci pour l'éternité, merci pour le ciel. Mais Dieu prévoit que nous recevions centuple présentement aussi. Nous devons vivre la gloire de Dieu au présent aussi. Certains esclaves vivent la vie chrétienne pour l'éternité. Ils vivent en attendant le tout à coup la trompette sonnera. Alors, entre-temps, on est irresponsable. Entre-temps, on n'assume rien aujourd'hui. Nous n'assumons rien. Nous attendons être heureux quand Jésus reviendra, quand nous serons au ciel. Et l'irresponsabilité devient notre caractère. Mon frère et ma sœur, il est possible que tu changes. Il faut que tu changes. Ça va avoir de l'impact et sur ta vie, et sur ta famille, et sur l'église, et même sur la vie spirituelle. Vous voyez, quand nous venons à l'église certaines fois, nous ne voulons rien faire, nous voulons qu'un tout à coup arrive. C'est pour ça que vous allez observer que les gens n'aiment pas aller dans des réunions où on leur enseigne. Les gens aiment les réunions où le pasteur fait tout pour eux. N'est-ce pas? Pasteur, délivre-moi. Pasteur, fais une déclaration. Autrement, pasteur, produis un tout à coup. Fais un tout à coup. Ce pasteur nous enseigne. Il ne prend pas nos fardeaux. Pasteur, on est venu avec nos fardeaux, prends-les. Oui, nous allons les prendre. Mais tu dois changer d'intelligence. Tu dois comprendre que tu as une responsabilité là-dedans. Vous avez vu, certaines fois, on a délivré les gens, on a prié pour les gens, et puis les gens sont tombés même. Et voyez-les une semaine après, vous constatez qu'il est la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons ont fui et il est parti l'attendre dehors parce qu'il y avait du feu à l'église. Et comme lui-même cherchait une solution comme esclave, eh bien, il a eu la solution, mais la solution est devenue éphémère. Parce que finalement, le démon est parti l'attendre. Je vous ai donné dimanche l'exemple de cet homme qui surmonte une tentation parce qu'il s'est rappelé, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Et il a dit à cette femme qui l'a draguée, dit, je vais fuir. Et il a fui effectivement. Mais il a fui avec la tentation en même temps. Il a fui avec l'impureté. Il est parti. Et vers 3 heures du matin, il rappelle la femme et dit, j'ai fui l'impudicité, hein? Mais j'ai beaucoup pensé à toi. Je n'arrive même pas à dormir. Je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été victorieux pour l'instant de la tentation, mais tu es parti avec l'impudicité. Tu as besoin que la souche. Le problème, ce n'est pas l'expérience que tu as fui. Le problème, c'est la souche de l'impudicité qui est installée à toi. C'est cette souche que nous appelons l'intelligence. Une forme de pensée. Tu es parti avec. Tu avais l'impression que tu as vaincu, mais tu es parti avec le péché en même temps. Et certainement que tu l'as commis. Ce même péché, selon ce que Jésus déclare et dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis impudicité avec. Vous vous rappelez de ça? Donc, malgré le fait que tu pensais avoir vaincu, ton intelligence n'ayant pas été transformée, tu es parti avec le problème. Tu es parti avec la chute. Et une telle personne, la femme qui l'écoute peut prendre la moto tout de suite et réapparaître pour continuer l'opération. Alléluia. Alléluia. Nous avons donc un appel pressant à la transformation de notre intelligence. L'intelligence d'esclave est très néfaste, même pour le sort de la nation. On attend que le pouvoir fasse tout pour nous. On attend et on considère que nous n'avons pas de droit dans la nation. On n'a pas de droit. Quelqu'un peut marcher sur nos droits et nous disons, nos droits ont été rachetés par lui, n'est-ce pas? On n'a pas de droit ici. Calmez-vous, restez calme. Il n'y a pas de droit. Même dans la famille, nous vivons la mentalité d'esclave. Frères et sœurs, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il n'y a pas de vie épanouie sans transformation de l'intelligence. C'est pourquoi Paul dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui vivent selon la vanité de leur intelligence. Une intelligence vaine. Une intelligence malade, déformée. Déformé. Buona si fiwe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quand nous lisons dans 2 Samuel 11 que nous avons mentionné, nous retrouvons une situation d'un jeune homme, un jeune papa. C'est un jeune papa, très très intéressant. J'aimerais que tu prennes la Bible, on va le lire ensemble. Il s'agit de cet homme qu'on appelle Uri. Uri, le mari de cette belle femme qu'on appelle Bathsheba. Le pays est en guerre. Et ils sont au front avec Joab, le général. L'un des vaillants hommes de David, Joab. Et pendant que David, le roi, est resté à la maison, il marchait sur la plateforme de son palais. Il aperçoit une femme qui se baignait quelque part. Et il fait appel à ses services pour la faire venir. Et Bathsheba vint et y coucha avec elle. Malheureusement, une grossesse s'ensuit. Quelque temps après, la femme fait dire au roi, « Je suis enceinte. » Et c'est là que la panique commence. Quand la panique commence, le roi fait appel au mari de la victime pour essayer de supprimer les traces. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, sœur, le péché est têtu. Tu peux beau faire des efforts, tu peux faire des gymnastiques. Peut-être tu as réussi une fois, deux fois. Mais laisse-moi te dire qu'il va arriver où tu ne sauras pas cacher les traces. Alléluia. Verset 11, on peut le lire ensemble. Verset 10, commencez à 10. On en informant David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Écoutez la réponse de Uri, ce jeune vaillant. Uri répondit à David, on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campe en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai point. Alléluia. Amen. Regardez cet jeune papa. Il mentionne des références. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu des références. Et ça facilite à l'ennemi de naviguer dans notre vie. Uri mentionne l'arche, le peuple du nord, le peuple du sud, l'armée, le général. Nous sommes en guerre. Il parle à qui? Il parle au roi. Ô roi, est-ce que tu comprends ce que tu me demandes de faire? L'arche est au camp, au front. Le peuple est au front. Nous sommes en rase campagne. On est en guerre. Le général est là. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire avec ma femme, et puis coucher avec ma femme. Je crois que Uri utilise ces mécanismes que nous disons habituellement ici, nous disons « Akiamou, Siwezi ». Il dit aussi, vrai que tu es vivant et que ton âme est vivant, je ne le ferai point. Je vous ai déjà dit, point signifie pas, je ne le ferai pas, Alors au lieu de dire pas, on dit point. Je ne le ferai point. Alléluia. Où sont les hommes et les femmes qui sont capables de dire ça, je ne le ferai point? Aujourd'hui dans notre société, comment vivons-nous? Quels sont les piliers de notre vie? Notre intelligence fonctionne comment? Comment réagissons-nous devant la tentation? Comment réagissons-nous devant les sollicitations? Lorsque la grosse enveloppe tombe sur la table et on te dit, prends et laisse passer mon dossier. Quel est ce responsable qui est capable de dire « Hakiamou, si ta kamata la réile ?» Où est-il? Aujourd'hui, nous sommes comme esclaves de la corruption dans notre société corrompue. Les hommes et les femmes, même les chrétiens, Même les archois, ils sont prêts à prendre la corruption de telle manière que c'est devenu une gangrène. On dit tout le monde le fait. On dit la société ne peut pas fonctionner sans la corruption. Frères et sœurs, Uri vient du front. Il a des références. Et il dit, je ne le ferai point. Alléluia. Lorsque la tentation se présente, peut-être cette femme t'a montré ses richesses. Comment tu fais? Tu te comportes comment? Es-tu prêt? Lorsque cet homme vient et il te propose les ciels et la terre pour aller avec toi, quelle est la réponse que tu la réserves? As-tu des références? As-tu des références dans ton intelligence? Qu'est-ce qui vient à ton intelligence en premier? C'est la proie arrachée ou ce sont les références d'intégrité, des références de vie correcte, des références d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu, des références de chrétiens? J'ai donné ma vie au Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas. Pourquoi tu n'es pas capable de dire non? Parce que ton système de fonctionnement est malsain. Ton intelligence est malsaine. C'est pour ça que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à dire non. Mais regardez ce jeune homme. Il dit, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain. Autrement, je te donne 2 jours de repos. Quel repos? Et Uri resta dans la ville 2 jours. Le 3e jour, le roi David l'appelle, l'invite à manger. Verset 13, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Cette fois-ci, David veut se rassurer que le gars va se saouler. David veut amener Uri sur le terrain de perdre son contrôle. Il faut que tu perdes contrôle. Il l'invita à manger, à boire. Et je crois que David remplissait le verre de Uri à tout moment. Quand Uri prend un gorgée, David prend la bouteille et il met encore. Pour que les buveurs ne se rendent pas compte qu'il avait déjà vidé un casier. Et quelle est la boisson qu'on prenait? Je ne sais pas si c'était du vin. Et Uri se mit à boire. En fait, il boit sur ordre du roi. Il faut un minimum de respect. Oui, je bois. Oui, je me saoule. Regardez la suite. Mon frère, regarde. Regardez le verset 13. Il l'enivra. Le soir, Uri, on peut lire cela ensemble? Regardez, verset 13, 1, 2, 3. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Uri se dit, ivre ou pas ivre, je n'entrerai pas dans ma maison. Tu m'as enivré, maintenant, oui. Je suis profondément ivre, oui. Mais je reste lucide. Dis à ton voisin, même quand on va t'enivrer, reste lucide. Beaucoup d'hommes et de femmes disent, j'ai commis ce péché, j'ai commis ces dégâts parce que j'étais ivre. Hier, j'étais insulté, excusez-moi, j'étais ivre. Uri est ivre. Je ne sais pas si on l'a tenu la main pour qu'il quitte la présence du roi. Il est ivre. Il est ivre. Mais il garde la main. la ligne. Même en étant ivre, son intelligence est transformée. Écoutez, frères et sœurs, les faiblesses, les situations qui peuvent arriver dans ta vie. Oh, nous n'avons pas d'argent. Tu vois, la situation m'a incliné. Je ne pouvais que prendre cela. Uri pouvait aussi avoir raison de dire, j'étais ivre, je ne pouvais que descendre dans ma maison et coucher avec ma femme. Mais il dit, je suis ivre, mais je garde contrôle. La situation m'influence, les temps, les circonstances me forcent, mais je garde la lucidité, je garde la ligne, je ne descendrai pas dans ma maison. Frère et sœur, ce matin, tu dois prendre une décision. Il y a des gens autour de toi qui t'influencent à quelque chose. Si ton intelligence est transformée, tu ne le feras pas. Si ton intelligence est transformée, tu n'iras pas. On t'a invité dans une réunion, dans une loge. On t'a donné tout ce qu'elle pouvait te donner. Tu n'iras pas. Regarde cet homme du Kenya qui avait l'intelligence transformée la fois dernière, à les élections dernières. On lui dit, prends l'argent, prends quelques millions, messieurs, les chefs de, vous connaissez l'information en question. Les chefs de la Cour suprême. Et il dit, allez récupérer vos millions, je ne prendrai pas. Ce que je vous ai donné comme information, c'est ce qui est vrai et c'est ça qui va être. Et puis on est revenu dans les élections hier ou avant-hier. C'est-à-dire, millions, oui, dans mon compte. Influence, oui, dans mon compte. Mais je garde ma lucidité. Je garde mon intégrité. Qu'est-ce qui t'aide, messieurs? J'ai l'intelligence transformé. Il ne tremble pas devant l'argent. Il ne tremble pas devant la pression. On va te tuer. Oui, tuez-moi. Mais je garde ma lucidité. Quelle est ta force? Je me suis exercé à méditer sur la vérité et la vérité est têtue. Aujourd'hui, je peux prendre tes 5 millions, mais demain, ça sera étalé sur la toiture que Monsieur X a pris les millions et voilà ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tu te caches et tu penses gérer l'affaire. Tu penses que personne ne sait. Laisse-moi te dire que même celui que tu pensais qu'il ne savait pas le saura. Il le saura. Il te faut être transformé. L'intelligence transformée va beaucoup t'aider. C'est une énergie, c'est une force, c'est un garde-fou, c'est une victoire, une source de victoire. Mais quand tu laisses ton intelligence vaille que vaille, eh bien, tu vas couler. Tu vas couler. Et les victimes, ce ne sera pas les autres, ce sera toi aussi. Tu vas manger les millions, d'accord. Tu vas construire, oui. Tu vas faire, d'accord, mais demain, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu aurais dû regarder Caïn dans Genèse chapitre 4. Caïn, Dieu lui dit, écoute, jeune homme, tu peux sortir de cette situation. Si tu agis bien, autrement, applique une intelligence correcte. Applique une bonne intelligence. Ne tue pas ton frère. Ne tue pas. Ne fais pas ça. Dieu, il est gentil avec chacun d'entre nous et chaque fois, il vient pour nous prévenir. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la suite? Combien de fois Dieu a fait un effort et il est venu jusqu'à toi et t'a prévenu. Il a dit, si tu continues comme ça, voici les dangers. Mais à cause de notre intelligence malsaine, nous avons persévéré dans le mal. Nous avons tenu bon dans le mal. Et puis, nous nous sommes écroulés. Nous sommes écroulés. Ce matin, tu peux arrêter de t'écrouler. Accepte le changement dans ton intelligence. Alléluia. Le deuxième domaine de transformation dont nous avons besoin, c'est le domaine de caractère. Le domaine de caractère. Le caractère est résultat de la forme de pensée. Une pratique répétitive d'une pensée, d'une forme d'intelligence, c'est ce qui produit le caractère. Le caractère, c'est une inclination de notre cœur, c'est une inclination de notre esprit. À force d'agir d'une certaine manière, et pourquoi nous agissons de cette manière? Parce qu'il y a une forme de pensée, il y a des idées, il y a des vérités ou des mensonges qui nous font agir de cette manière-là. À force d'agir de cette manière-là, cela devient un caractère. Et comment pouvons-nous développer un bon caractère divin et christocentrique? Le premier principe, c'est qu'il faut identifier les vérités de l'idéal divin. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a formulé le principe de notre existence. Et c'est Dieu qui détient la clé de notre bonheur et de notre épanouissement. Nous pouvons identifier les vérités que Dieu nous propose, avec lesquelles nous serons sauvés, avec lesquelles nous pouvons vivre heureux, nous pouvons vivre victorieux et épanouis. Quand tu identifies ces vérités, le deuxième principe, il faut méditer ces vérités-là jusqu'à ce que ces vérités remontent dans ton esprit. Et devienne une conscience, que ces vérités deviennent une ligne de conduite, que ces vérités s'installent comme système de fonctionnement dans ton cœur et dans ton esprit. Et troisième principe, combattre les vérités d'inspiration malsaine, les vérités d'inspiration diabolique. Je l'ai dit tantôt, dans Matthieu chapitre 4, verset premier et suivant, la tentation de Jésus. Le diable vient à Christ et lui dit, si tu fais ceci, ceci va arriver. Adore-moi et voilà. Il lui dit, regarde les royaumes de la terre. Adore-moi et je te le donne. Et Jésus lui répond et lui montre que non, ça ne peut pas se faire. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Et à la fin, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Autrement, ce que tu dis, c'est écrit dans la Bible, mais comme c'est toi qui le dis, je ne le fais pas. Parce que lorsque tu as dit quelque chose à Ève, c'était vrai, bien que tronqué, mais comme c'est toi qui l'as dit, Ève a été séduite. Quand tu le disais, tu as communiqué à Ève une force négative qui l'a induit à commettre une bêtise dont nous souffrons tous jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu peux vaincre, c'est possible. C'est possible. Jésus a vaincu Satan. La Bible dit, et le diable le quitta pour attendre une autre occasion favorable. Mais Jésus a appliqué les principes, a appliqué les vérités divines à son cœur et il a fonctionné correctement. Et il a vaincu Satan dans cette tentation. Mon frère, ma sœur, tu peux vaincre aussi et tu peux développer un caractère. Identifie des vérités, médite sur ces vérités. Applique ces vérités et applique-les de manière répétitive. De manière répétitive. Fais le bien de manière répétitive. Applique la parole de Dieu de manière répétitive. Cette parole deviendra en toi un caractère. Un caractère. Regardez, frères et sœurs, tu veux méditer la parole. Et quand tu te mets, tu commences à lire, c'est à ce moment-là. Comme ton système de pensée fonctionne mal, c'est à ce moment-là que tu te rappelles que ça fait 3 semaines que tu n'as pas salué le beau-père. Tu as commencé à lire le premier verset au milieu. Ah, Ah, ça fait 3 semaines, il commence à penser quoi de moi? Ok, j'appelle le beau-père. Paf, tu appelles le beau-père. Et Abari Baba, eh, Mouzour, Sikuminge. Abari Abatoto, Batoto. Abari Amama, Mama. Abari Amakazi, Makazi. Et puis tu continues. Et puis ça fait, tu as pris 15 minutes. Et tu reviens dans le verset. Tu continues. Et dans le verset, tu te rappelles que. Ah, Chungunata Lungula. Oh, Chungunata Lungula. Et puis tu reviens dans le verset. Et puis tu te souviens que, en fait, qu'est-ce que je vais porter demain? Il y a du désordre dans ton système de pensée. Et même quand tu te mets à prier, Seigneur, je te bénis, je t'adore, je te glorifie. Je n'ai pas fermé la porte. Je te glorifie, Seigneur, je t'adore. Tu vois, Seigneur, tu es merveilleux. Tu m'as tant aimé. Tu es grand. Oh, je n'ai pas encore arrangé les lits. Tu arranges les. Seigneur, tu vois. Comment tu fonctionnes, frère? À force de fonctionner comme cela, ça devient un caractère. Mais à force de te discipliner, oh, je n'ai pas appelé le beau-père il y a 3 semaines. Tu fais quoi? Tu tais ça, tu continues. Je continue ma prière. Oh, mais il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je suis en prière avec les dieux de l'univers, Mouniache. Et à force d'être discipliné, mes frères, tu développes cette forme de pensée. Bientôt, tu es correct avec Dieu. Vous savez, quelquefois, Dieu, je crois au ciel, il s'étonne de nous. Il s'étonne. Es-tu déjà parti dans le bureau du DG et que ton téléphone sonne et que tu es parti d'abord répondre? Es-tu déjà parti dans le bureau du chef de l'État? Est-ce que même le téléphone est entré? Ça reste à la frontière. Bonne assifuée. Nous pouvons, frères et sœurs, on peut développer un caractère divin. On peut développer un caractère christocentrique. On peut développer un caractère de victoire. Lorsque les choses tournent mal autour de toi, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec ta tête? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux promettre à ton voisin que tu vas changer? Promets à ton voisin. Promets-lui. Il va être témoin ce matin. Tu lui as promis? Ok, vérifiez, regardez bien celui qui vous a promis. Vous allez faire le suivi. Regardez-le bien parce qu'en sortant, vous allez l'oublier. Regardez-le, retiens-lui. Vous pouvez même prendre les selfies. Comme ça, vous suivez là. Chaque fois que vous le voyez, vérifiez s'il a changé. Alléluia. Il faut changer, frère. Le troisième domaine qui nécessite la transformation, c'est le domaine des perspectives de gloire. Beaucoup d'hommes et de femmes, nous vivons au taux du jour. On vit maintenant. Nous ne vivons pas avec des perspectives. Cela facilite à l'ennemi. Les gens qui n'ont pas d'espérance, les gens qui n'ont pas de perspective, gâchent leur présent. Je vous ai dit dans le passé, notre avenir commence au présent. Le présent fait partie de notre avenir. Et notre avenir est bénéficiaire de notre présent. Si au présent tu n'as pas de perspective, tu vas gâcher le présent. C'est ce qui se passe avec Caïn. Dieu lui dit, si tu agis bien au présent maintenant, tu vas relever la tête. Mais si tu agis mal, le péché tapit à ta porte. Caïn pouvait ne fût-ce que lever la tête et se rendre compte que c'est qui me parle en fait? C'est le Créateur. Si j'obéis à ce que le Créateur me dit, je garde son amitié. Voilà. Et puis, il peut m'aider prochainement. Bon, regardez, quand vous lisez la Genèse, vous ne trouvez pas un endroit où Dieu est venu visiter Abel. Et je parle à quelqu'un. Parfois, on dit que c'est injuste. Dieu, tu as favorisé Abel. Mais écoutez-moi, frère et soeur. Ils ont fait des offrandes. Abel a offert correctement. Dieu a approuvé. Sa fumée est montée tout droit. La fumée de Caïn a navigué, a rampé. Caïn se fâche. Mais Dieu vient visiter personnellement Caïn. Quel avantage! Il pouvait se dire, oh, Abel, Oebi, viens aïe kota langa en personne. J'étais avec Dieu. Abel, est-ce que toi tu as déjà vu Dieu? Est-ce qu'Abel a déjà vu Dieu? Mais Caïn a vu Dieu. Dieu est venu parler avec Caïn. Mais conserve cette amitié. As-tu une perspective? Est-ce que tu rêves quelque chose? Pourquoi êtes-vous partis offrir? Nous sommes partis offrir à Dieu afin d'obtenir une amitié de Dieu. Mais le Dieu en question, même s'il n'a pas reçu ton offrande, il est venu lui-même te voir. Profite. Dis-lui que la fois passée, j'ai fait une offrande, mais apparemment, Seigneur, tu ne l'as pas accepté. Et Dieu va t'expliquer comment on fait. Il allait expliquer à Caïn que prochainement, quand il va offrir, cherche une offrande qui contient le sang. Je n'ai pas besoin de biraï ou de tomates. Il faut du sacrifice. Quand j'ai habillé votre père, j'ai tué un animal. Et cet animal a justifié votre père. Caïn, une opportunité juteuse comme cela, tu la rates? Pourquoi? Caïn manque de perspective. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des perspectives même? Les gens qui ont une perspective. Regardez Joseph chez maman Potiphar. Joseph a une perspective de gloire. Il sait qu'un jour, je serai grand. Un jour, je serai une bénédiction. Il sait. Et quand maman Poti, lui propose ses richesses. Regardez dans Genèse 39. La Bible dit, maman Poti venait chaque jour le solliciter, les garçons. Les garçons étaient tellement beaux que maman Poti ne supportait pas sa beauté. La Bible dit qu'il était beau de figure et de forme. Et maman Poti le harcelait. On appellerait ça aujourd'hui harcèlement sexuel. Ça a commencé là-bas. Harcèlement. Mais comme Joseph avait une perspective, il savait ce qui était meilleur. Je ne suis pas encore arrivé, mais ça va venir. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé dans cette perspective, mais ça va venir. Alors ne gâche pas ton avenir à cause d'un présent. Ne gâche pas ton aujourd'hui. Ne gâche pas ta vie pour rien. Frère, regardez mes soeurs, tous ces frères qui vous déambulent autour et vous propose le mariage à condition de coucher avec eux. Jetez-les en dehors. Avez-vous une perspective d'un mariage? D'un mariage heureux, mes filles? Avez-vous une perspective? Oh non, bon, quand on a kata, on a sita kwa waten, wende. Kenda waba mbaraga, gisu la tafuta kimbaraga. Sumuambia ende. Enda. Oh non, si je refuse, il va m'abandonner, il va plus m'épouser. Tu épouses qui? Un monstre. Tu acceptes qui? Si tous les sœurs qui ont fait un peu de l'âge, il y a des hommes méchants qui marchent sur elles. Ils savent qu'elles sont devenues fragiles. Elles attendent le mariage, ça peut être 30 ans, ça peut être autant d'années. Et puis, dit, tu couches avec moi, alors je t'épouse. Bêtise. Bêtise, c'est qui te rassure qui n'a pas fait ça hier avec une autre sœur? et il a épousé celle d'hier, et toi il va t'épouser. Quel est ton problème? Tu n'as pas de perspective. Si tu restes stable, avec une perspective de gloire, écoutez, même si le mari viendra à 50 ans, tant mieux, au moins c'est correct. Que de larmes lorsque tu t'es fait rouler, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu déjà pleuré? Oh pasteur, oui, quoi vraiment il m'a proposé? Ten ancha enda nisikia amedote kule pembeni. Amedote, et il a déjà couché avec toi? Oui. Combien de fois? Plusieurs fois. Il me disait que si je refuse, il va aller ailleurs. Est-ce qu'il est parti ailleurs? Oui, il est parti ailleurs. Maintenant, tu as gagné quoi? Quel est ton problème? Transformation, changement d'intelligence. Quel est ton problème? Tu n'as pas de perspective. Tu n'as pas de perspective. Ce matin, Dieu t'offre une occasion de perspective. Il dit, je connais moi les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix, non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu quittes ces dieux pour frapper Abel comme Caïn l'a fait. Eh bien, c'est toi qui perds. Dieu revient à Caïn et lui dit, Caïn, il y a le sang de Abel qui crie devant moi là au ciel. Qu'est-ce que tu as fait? Et il lui pose la question. Où est ton frère Abel? Regardez la réponse de ce jeune homme. Suis-je gardien de mon frère, moi? Tu réponds à qui? À l'Éternel. Pourquoi tu as tué son frère? Ton frère? Parce que l'offrande de mon frère a été agréée, la mienne n'a pas été agréée. L'offrande de mon frère a été agréée par qui? Par l'Éternel. Maintenant, qui te parle ici? L'Éternel. Et tu lui réponds quoi? Suis-je gardé de mon frère, moi? Ah ah! Il y a des gens qui sont arrogants, même devant Dieu. Même devant Dieu, tu es si arrogant, Caïn. Hein? Mungu atana unajua. Mungu unajua, unaongea. Mungu na uko mutu. Ah ah! Dieu, c'est ton frère? Pourtant, ce même Dieu-là est là pour t'apporter une perspective de gloire. Profite, attrape Dieu, saisis Dieu, et tu vivras. Alléluia. Lève-nous, on va prier. Mon frère, tu peux être transformé. La perspective d'une vie de gloire est à la portée de chacun d'entre nous. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, cette perspective ne viendra jamais. Je sais que Dieu a parlé à ton cœur ce matin. Je voudrais te donner l'occasion de renouer avec Dieu. Et si tu es là, tu peux lever la main. J'ai prié avec toi.